Yeah, yeah. Special dédicace pour toutes les queens et les princesses. MC Gulliver chante Salomon. Respect for the girls. Respect for the ladies, yo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Pour les misfits, pour les ladies, pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent bien plus qu'une bise. Pour les misfits, pour les ladies, pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elle mérite bien plus qu'une bise. Ça me gêne beaucoup quand je vois de telle manière ce qu'on dit. Certains gars, aucun respect pour les femmes. Je trouve vraiment ça trop infâme. Ont-ils donc tous oublié que pour venir au monde, ils sont restés 9 mois dans un ventre de forme ronde. Leur mère les a portés chaque seconde. Pourquoi donc tous ces actes immondes? Pas mal du femme violée, il n'y a plus de respect. Et face à toutes ces atrocités, moi je dis man, il faut lutter. Pour les misses, oui, pour les ladies. Pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent bien plus qu'une bise. Pour les misses, oui, pour les ladies. Pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent bien plus qu'une bise. Big up à celles qui jamais ne déméritent. Qui élèvent seule leur famille à la force de leur mental. Celles qui chaque jour persistent, jamais ne se désistent. Et qui pourtant quotidiennement gardent le moral. Celles qui sacrifient leur vie pour le bien-être de leur enfant. Qui se privent de plein d'envie pour que leur avenir soit brillant. Celles qui persistent, insistent, même tristes, résistent à la pression d'être seuls parents. Pour les misfits, pour les ladies. Pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent bien plus qu'une bise. Pour les misfits, pour les ladies. Pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent bien plus qu'un kiss. Elles sont des perles avec la vie comme écrin. Elles sont celles dont on apprécie le sourire. Comment sur elles peut-on lever la main? Même avec une fleur, même pour un empire. Impossible que cette idée caresse mon esprit. Car elles sont indispensables. Vivre sans elles, pour moi, c'est impensable. Elles rendraient même calme le mec le plus indomptable. Pour les misfits, pour les ladies. Pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent bien plus qu'un kiss. Pour les misfits, pour les ladies. Pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent plus qu'une bise. Pour les dames et demoiselles, MC Gulliver milité. Trop de man, man, man, agissent avec débilité. Les mi peuvent trop mal, mal maximum respecté. Pour moi, c'est un minimum de civilité. Les médias manipulés veulent faire des mises des objets. Ce n'est pas ma façon de voir évoluer l'humanité. Qui cesse d'essayer de nous faire miroiter. Qu'une femme en mini-jip est forcément une tasse. Pour les misses, oui, pour les ladies. Pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent bien plus qu'une bise. Pour les missions, pour les ladies. Pour les remercier pour tous les rôles qu'elles remplissent. Sans nos mères, nos copines, nos femmes, nos filles, nos voisines. Et pour tout cela, elles méritent bien plus qu'un kiss.